Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici l'essentiel. Les membres du parti CNL et des provinces du centre du pays apprécient la nouvelle loi qui délimite les nouvelles provinces et communes, mais ils estiment que les citoyens auront un long trajet pour accéder aux services de l'administration, surtout celles provinciales. Au sein du ministère de l'Intérieur, l'on explique que ce nouveau découpage vise la décentralisation des services de l'administration. À Bururi, une femme qui a mis au monde des triplés plaide pour une assistance. Et à la fin de cette édition, comme tous les dimanches, vous avez droit à la chronique nutrition. Celle d'aujourd'hui sera centrée sur les lentilles. Voilà pour les titres et bienvenue pour les détails. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, des militants du parti CNL trouvent que la nouvelle loi de délimitation et de détermination des provinces, des communes, des zones ainsi que des collines ou quartiers aura un inconvénient de long trajet pour accéder aux services publics de l'administration comme celle des provinces. Pour ce, ils demandent qu'il soit pris de nouvelles atténuations lors de la mise en application de cette loi. C'est après que ce dimanche, Agathon Rwasa, président de cette formation politique, ait fait un déplacement à Gitega pour sensibiliser cette loi à ses militants. Ces derniers apprécient cette loi, n'est-ce pas, Gérard Nebigir? La nouvelle loi numéro 1/05 du 16 mars 2023 portant détermination, délimitation des provinces, des communes, des zones, des collines et ou quartiers de la République du Burundi fait passer de 18 à 5 les nouvelles provinces du pays. Gitega fait donc partie de ces nouvelles 5 provinces du Burundi. Gitega sera alors composée d'anciennes provinces telles Karusi, Muramvya, Mwaro et Gitega elle-même et son chef-lieu sera à l'actuel Gitega, a indiqué Agathon Rwasa, président du parti CNL. Il avait fait un déplacement à Gitega ce dimanche pour sensibiliser cette loi aux militants de son parti venus de ces 5 provinces qui composent la nouvelle province de Gitega. Cependant, certains militants du CNL ont émis leur inquiétude sur le fait qu'un citoyen de l'actuelle province Muramvya, qui sera dans le besoin de s'entretenir face à face avec le gouverneur de la nouvelle province Gitega, sera obligé de faire un long trajet. C'est ainsi donc qu'il demande que des mesures d'atténuation soient prises lors de la mise en application de la dite loi afin d'alléger les souffrances des gens vivant dans des lieux plus éloignés de nouveaux chefs-lieux de province qui seront dans le besoin de s'entretenir directement avec les gouverneurs de province. Toutefois, il salue cette détermination et délimitation des nouvelles entités administratives du Burundi dans la mesure où elle a comme avantage de réduire le budget qui était antérieurement alloué dans l'administration allouée à l'administration provinciale, communale et zonale. Depuis Gitega, Jean Nibigira pour Radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. Et sur ce, le ministre de l'Intérieur, Martin Iteretse, a précisé que le découpage administratif vise la décentralisation. Répondant aux questions, aux inquiétudes des journalistes jeudi de la semaine en cours, après une rencontre avec les responsables du PNUD, le ministre a indiqué que la nouvelle délimitation des provinces, communes, zones et autres n'a pas d'impact sur le projet de digitalisation des actes d'état civil suivi. La nouvelle délimitation des frontières des provinces, des communes, des zones, pourquoi pas des collines, ne vient pas en contradiction avec ce que vous appelez l'octroi de la carte nationale d'identité biométrique. Parce qu'aucune colline ne sera pas déplacée, la colline sera là toujours. Les communes seront toujours là. Peut-être qu'il y a un agrandissement des dimensions, mais la poursuite des activités ne pourra jamais être interrompue de ce fait seul, parce qu'au niveau territorial, et au niveau même légal, il y a la définition de la nouvelle composition, de nouvelles provinces, de nouvelles zones, de nouvelles communes. Alors, on va tenir compte de l'existant et on va tenir compte de tout ce qui a été fait. Parce que la nouvelle délimitation des provinces, communes, collines et zones vient s'inscrire dans la nouvelle politique de décentralisation. Rapprocher la population des services, surtout qu'on veut qu'il n'y ait pas de queue de personnes qui se forment au niveau des chefs-lieux des provinces, ou chefs-lieux des communes, ou chefs-lieux des zones. On veut que les solutions locales se résolvent localement, surtout et particulièrement que On a commencé même les descentes sur le terrain pour faire un exercice de se familiariser avec cette nouvelle donne. Nous avons une décentralisation accentuée au niveau de l'autorité. Nous avons le chef de quartier, nous avons le chef de colline, nous avons le chef de cellule, le dit Nyumbakumi. Ils doivent apporter tous les problèmes posés au niveau local et les acheminer au niveau de leur hiérarchie et trouver solution obligatoirement. Mais pas nécessairement que la population se rende toujours à la commune ou à la zone pour des services, mais les services doivent être rendus localement chez les bénéficiaires. Quant à la question des inondations répétitives causées par la rivière Rusizi qui menace les habitants de la zone Gatumba, le ministre de l'Intérieur affirme que son ministère et d'autres s'activent pour trouver solution à ce problème. Nous avons un problème d'inondation de la plaine de Limbo en général, mais particulièrement côté Gatumba et de ses environs. C'est dû à la grande pluviométrie qui a fait qu'il y a débordement de la rivière Rusizi. On regrette qu'on n'a pas encore réalisé quelque chose en matière, mais on a fait constat que même aujourd'hui, à l'heure actuelle, le niveau d'eau est toujours énorme. On ne peut pas faire une aventure et mettre de l'argent dans le creusement de ces digues, mais les responsables de l'IGEBU nous ont confirmé que d'ici fin mai, début juin, on peut faire quelque chose. On a déjà mobilisé les fonds pour faire une ligne de 2 km et ça sera suffisant. Et on est en train de mobiliser d'autres fonds pour qu'on protège de part et d'autre le débord de la rivière pour que ces histoires de débordement de l'eau deviennent enregistrées dans les annales, non pas revoir sur surface, mais il doit se falloir avoir des réunions avec nos partenaires, notamment le PNUD et le ministère en charge de l'environnement et aussi avec le ministère en charge des infrastructures pour que les constructions à faire soient des constructions conformes aux normes. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Poursuivons cette édition, une femme d'Inodanie Sinijimbere qui a récemment accouché des triplés à l'hôpital de Bururi demande une assistance. Cette femme affirme être dans l'incapacité de nourrir ce triplé. Cette mère qui a pour le moment 6 enfants demande aux âmes charitables de lui venir en aide. Zeno Nzambiman. Avec ses triplés nouveau-nés, Agnès Nijimbere est hospitalisée depuis 3 jours dans la chambre du service maternité de l'hôpital régional de Bururi où elle a accouché par césarienne. Docteur Nkunzimana Boniface, directeur adjoint chargé des soins à cet hôpital, fait savoir que ses 3 garçons nouveau-nés pèsent chacun entre 1 kg 500 g et 1 kg 150 g et sont tous en bonne santé. Cette mère cultivatrice, originaire de la colline Mubuga, en zone Gassanda de la commune province de Bururi, fait savoir qu'avec son Marie Stani Chiza, lui aussi cultivateur avec un petit lopin de terre, ne seront pas capables de nourrir leurs enfants suite à la pauvreté dans leur ménage et demandent une aide en vivre et en non-vivre. Agnès Nijimbere salue cependant une assistance en lait lui déjà octroyée par le directeur de cet hôpital et l'administrateur communal de Bururi. Cette mère démunie demande aux autres âmes charitables de lui venir en aide. Vous saurez que son couple vient de totaliser 4 naissances et compte aujourd'hui 6 enfants. Depuis Bururi, Zenon Nzambimana pour la radio Isanganiro. Merci Zenon Nzambimana. La recherche des bailleurs, la lutte contre les violences sexuelles et la défense des droits des femmes journalistes sont les principaux dossiers que l'ancienne représentante de la Société des femmes journalistes, AFJO, a laissé à Francine Ndiokoubgaio qui l'a remplacée. C'était lors des élections de ce samedi. Diane Ndonce a également précisé que les femmes journalistes en pension doivent contribuer dans la formation des jeunes, n'est-ce pas, Space Caritas Kabanyana. Lors des élections de ce samedi, Diane Ndonce, qui était à la tête de l'Association des femmes journalistes depuis 2 ans, a précisé qu'elle laisse à Francine Ndiokoubgaio qui la remplace quelques dossiers non achevés. Suite au contexte politique et à la pandémie du COVID-19, certaines réalisations n'ont pas abouti, notamment la construction de ce centre de production qui est en cours de réalisation. Il y a également, on a peu de partenaires techniques et financiers durables. Pour le moment, nous n'avons qu'un seul projet qui est en cours, que nous allons exécuter sur 3 ans. Il y a également le fait que la communication institutionnelle, le plan stratégique, le plan de communication de l'AFJO, il faut que ce plan continue à être exécuté. été mise en œuvre par le comité entrant. Francine Ndiokougayo, qui a été élue à 57 voix sur 62, a promis qu'elle va continuer à défendre les droits de la femme, surtout celles de la femme journaliste. On va continuer à défendre, promouvoir les droits de la femme en général et promouvoir les droits de la femme journaliste en particulier. Nous devons faire des efforts pour arriver à montrer notre contribution dans le pays, notre contribution dans le développement du pays, parce que vous savez, on dit souvent que les journalistes ont un rôle à jouer dans la vie du pays. On voudrait bien que les femmes journalistes montrent réellement qu'elles sont capables de changer l'image du pays et par là faire avancer le monde. Également, il faudra qu'on continue à approcher nos bailleurs pour qu'elles appuient nos projets, parce que l'association ne peut pas vivre sans appui. Et pour y arriver, il faut montrer réellement que l'on est capable en tant que femme journaliste. Les femmes journalistes ne devraient pas figurer sur les listes des instances de prise de décision seulement pour y figurer, mais surtout pour montrer qu'elles sont capables, selon Francine Ndiokougayo, qui sera à la tête de l'association des femmes journalistes durant 2 ans. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Les lentilles sont riches en fibres qui stimulent le transit et diminuent le risque du cancer du côlon. Elles contribuent à la prévention du diabète et les maladies cardiovasculaires. De même, elles diminuent l'absorption du sucre et du cholestérol. Selon le chercheur nutritionniste Jean-Paul Ouineza, les lentilles sont préparées sous plusieurs formes comme la soupe. La chronique nutrition avec Jean-Marie Mayonga. Dans la chronique nutrition du dimanche passé, le chercheur nous a parlé des bienfaits des lentilles. Aujourd'hui, ce chercheur va nous expliquer comment peut-on préparer ces lentilles et va nous parler également des personnes qui peuvent consommer beaucoup ces lentilles. En cas aussi d'augmentation de cholestérol, surtout le cholestérol LDL, la fibre des lentilles entraîne l'évacuation de cholestérol LDL au niveau des intestins. Parce que les lentilles, bien entendu que les lentilles contiennent assez de fibres végétales alimentaires. Les fibres végétales alimentaires que les lentilles contiennent vont favoriser l'évacuation ou bien empêcher l'absorption des mauvais cholestérol au niveau des intestins. D'où il est très recommandé pour des personnes qui veulent quand même éliminer ou bien se débarrasser de cholestérol LDL ou bien de diminuer ce qu'on appelle l'hypercholestérolémie. Quant à la préparation, Jean-Paul Ouineza signale qu'il faut tout d'abord la cuisiner et si possible fabriquer de la farine. La bonne manière, c'est de cuisiner des lentilles. Il faut cuisiner des lentilles parce que les lentilles contiennent des éléments toxiques. Si les lentilles ne sont pas bien cuites, on peut trouver des hémagglutinines, des enzymes diuréases ou bien les facteurs antinutritionnels. Une fois cuites, alors les lentilles vont quand même nous procurer beaucoup d'éléments nutritifs et très essentiels à notre organisme. C'est toutes les protéines, les bonnes protéines que notre organisme a besoin. Et aussi, une autre manière, c'est de la pirer. Il faut piler les lentilles. Et d'abord, il faut cuire les lentilles. Une fois cuites, il faut quand même enlever l'écorce-là des lentilles. Et puisque l'écorce des lentilles peuvent quand même occasionner des flatulences lors des intestins, au niveau des intestins, et ça peut quand même faire gonfler le ventre comme ça. Une fois manger des lentilles, non décortiquer. Une autre manière, c'est de fabriquer la farine au niveau des lentilles. Au Burundi, les lentilles sont disponibles, mais les gens n'en consomment pas assez car ils ne savent pas son importance pour notre organisme. Merci Jean-Marie Mayonga et au chercheur nutritionniste Jean-Paul Ouineza. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Chancela Mugisha Wimana qui était à la manette édition. Gardez l'écoute, le programme continue sur Isanganiro.